écouter Jacques Lomelo avec des éléments nouveaux, avec de structures nouvelles. Ben, merci de m'avoir associé à ça, parce que bon, il avait déjà la vision, quoi. Très, très, très, très lointaine. Et ça, j'aime, quoi. Et j'accepte. Et je défends, quoi. J'espère que d'autres artistes congolais suivront cette démarche. Nous avons besoin de conserver, de perpétuer la mémoire de nos aïeux. Mais il avait une écriture vraiment bien, quoi. J'aime, quoi. C'est le message qui va droit, comme ça, quoi. Il fait pas les slaloms, quoi. De...